La capitale Pyongyang de la Corée a changé radicalement d'aspect ces dernières années. L'avenue de Changzhou s'est dressée en un an après le commencement des travaux pour faire disparaître les anciennes traces du district de Mansudae. L'avenue des scientifiques Wuna a fait son apparition en 7 mois seulement. La zone résidentielle des scientifiques Visson a été terminée en moins d'un an, bien que l'envergure était plus immense que l'avenue des scientifiques Wuna. Et l'avenue des scientifiques Miri est mise sur pied 2 fois plus vite qu'au temps de la construction de l'avenue de Changzhou. Tout de suite après, l'avenue du Myon a été construite en un an pour transformer le profil du district du Palais du Soleil de Kumsusan et de Lyongnamsan. Par ailleurs, Pyongyang a livré l'année dernière des dizaines de travaux d'aménagement du territoire national, tels que les rives du fleuve Daedong sur plus de 2000 mètres de distance, et le pavage des digues de la rivière Botong sur des dizaines de 1000 mètres carrés.